pas faire ça. Salut Tom, j'essaye un truc. Ça va mieux là ? Ça va là ? Ça va mieux là ? J'essaye de faire une chanson. Ça c'est le chorus. Et le refrain ça va être ça. Attends, on va faire le refrain. Faire maintenant. Ça sera pour le refrain. Ça c'est le couplet, ce serait ça. Je chante en français maintenant. Ouais, ça fera au piano comme ça. Bon, je joue pas bien du piano moi. Faudra un vrai pianiste. Ni même où je suis. Pourquoi il y a encore les synthés là? Ah, les synthés, je suis trompé. C'est pas ça? Piano? Là, c'est la basse. Ah, ok. Là, j'utilise le looper. Attends, je recommence. 1, 2, 3, 4. Je suis juste là comme un étranger dans ma propre vie. Je marche sans but, je tourne en rond. Cherche, je serai là. Ah, ça va pas. C'est bizarre le refrain. Si tu me cherches, je serai là. Dans mon cœur, dans mon âme. Si tu me cherches, je serai là. Tu peux compter sur moi. je serai là à ta place jusqu'à la fin. Thank you. serai là. Dans mon cœur, dans mon âme, tu peux compter sur moi. essayer d'en faire une voix comme ça. Dans mon cœur, mon âme, tu peux je serai là. Dans mon cœur, mon âme, tu peux compter sur moi. Si tu me cherches, je serai là. Dans mon cœur, mon âme, oh merde, tu peux compter sur moi. Oh bye bye, Satana. J'étais faire un tour sur Jamulus. C'est pas mal aussi Jamulus. Je sais pas si tu connais. Toi ça te plairait je pense. Ça joue fort, ça joue bien des fois sur Jamulus. Il y a des super musicos. Mais il faut une très bonne collection. Que j'aille voir ça, je ne connaissais pas Sonobus. Faudra que j'essaye, tiens. Ça marche mieux, tu dis. Thank you.